Bonjour et bienvenue dans Podan, votre podcast libre et engagé. Ce podcast a pour but de mettre en lumière certaines personnes, actions, mouvements ou organisations positives et qui font bouger les choses. Pour ce premier numéro, nous allons découvrir le mouvement Sauver le cœur des femmes. Ce mouvement a été créé pour sensibiliser le plus grand nombre aux risques et maladies cardiovasculaires, plus précisément chez la femme. Car vous ne le savez peut-être pas, mais les hommes et les femmes ne sont pas égaux face aux maladies cardiovasculaires. Quand celles-ci se manifestent chez l'homme, les symptômes sont bien connus. Douleurs dans la poitrine et au bras gauche. Alors que chez la femme, elles peuvent se manifester autrement. Par exemple, par une douleur dans le dos ou un essoufflement. Ce qui retarde le diagnostic et donc la prise en charge des soins. Les femmes plus exposées aujourd'hui par leur mode de vie sont près de 9 millions à mourir chaque année dans le monde de ces maladies. Soit près d'une femme sur trois et 8 fois plus de victimes que le cancer du sein. Les infarctus chez les moins de 50 ans ont triplé ces 15 dernières années. C'est pourquoi Sauver le cœur des femmes existe. Ce mouvement a pour vocation de rendre accessible et compréhensible ce problème de santé publique auprès des plus concernés, souvent trop peu informés. Leurs objectifs sont d'informer et sensibiliser aux risques cardiovasculaires, réduire le taux de mortalité, construire un véritable programme de sensibilisation, augmenter le message de prévention et changer les habitudes, surtout interpeller les femmes sur leur santé. Le 16 avril prochain, Sauver le cœur des femmes lance son 5e Red Day. Le principe est simple. Habillez-vous en rouge, prenez-vous en photo et relayez votre style et le message sur les réseaux sociaux avec les hashtags Cœur des femmes et Red Day. Car plus nous serons nombreux à être informés, plus nous sauverons de vies. Alors le 16 mai prochain, suivez le mouvement. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur agila.org. Merci et à très vite dans Podan. Vous pouvez me laisser un commentaire ou m'écrire à podan@gmail.com. J'attends vos retours sur ce premier épisode.